24 ans d'existence. C'est pas mal. C'est assez difficile, trop de moments intenses. Les amis qui te quittent et ceux qui te relancent. Qui te mangent dans la main quand tu touches les avances. Ceux qui te dévisagent, te comptent à pas ton badge. Ceux qui t'encouragent, tu peux te planter. Tu connaîtras l'état de santé, tu crois que c'est qui s'est dépensé, ceux qui ont raté. Tu vas être appelé à donner ton avis. Même si ça te fait chier, même s'ils sont obligés. Ils viennent tous tomber, France Actualité. Ceux qui te piétinent comme ça sans y penser. Marche ou crève. La vie que je vis n'est pas un rêve. Marche ou crève. C'est un combat, il n'y a pas de trêve. Ce qu'il en adviendra demain, je ne sais pas. Je laisse les gras du pays de se charger de tout ça. J'ai pas courbé les chines ni retourné ma veste. On dérange pas mal, je vous laisse les restes. J'ai débuté tout seul, il n'y avait rien derrière. J'ai ouvert ma gueule devant, c'était l'enfer. On en a dit des choses, j'adore les gens qui causent. Et qui propose, c'était la musicalité. Et nous regarde ça en cherchant le pourquoi. Y'a ceux qui nous sourient, derrière nous assassinent. Je suis chanteur de trust, il faut manger confiance. On a des lacinés qui fait tout arriver. Marche ou crève. La vie que je vis n'est pas un rêve. Marche ou crève. C'est un combat, il n'y a pas de trêve. Marche ou crève. La vie que je vis n'est pas un rêve. Marche ou crève. C'est un combat, il n'y a pas de trêve. De trêve. Ça cherche, ça analyse son cou comme des valises. On m'appelle Bernie et c'est très bien ainsi. Ça ne sera pas facile de nous clouer le bec. Mais que tu veuilles ou non, il faudra faire avec. Il faudra faire avec. Marche ou crève. La vie que j'ai vue n'est pas un rêve. Marche ou crève. C'est un combat. Qu'elle soit halte dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la teinte pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut des forfaits pour oublier la solitude. Faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander. Faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants. Faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé. Pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire mettre, à se faire baiser, sur à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les biberons, ouais c'est tant mieux, ça fera moins de cons. Quand ils crèveront en mutation, des grippes porcine sur des cochons. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants. Faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé. Faut rentrer dans les farandoles de ceux qui font le blé. Paraît qu'il faut virer des profs et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 euros. Faut que ça rapporte aux actionnaires, la santé et les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se fasse une raison, on a loupé nos transactions. On s'est laissé prendre le cul par nos besoins, nos religions. Il faut foutre le portable aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur digital. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut du forfait, faut des forfaits. Faudrait de l'air dans les tabacs. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Zarbi à moitié à poil. Cool. Pourquoi tu m'as amené ici? Pour que tu m'aides à trouver des réponses, Wayne. Des réponses à quoi? Pose-moi une question. Si tu veux, deux trains roulant en sens inverse à une vitesse de 120 à l'heure et qui vont simultanément à Chicago. Non, pas ça. Pose-moi une question sur ta vie. Dis-moi, que faut-il que je fasse de ma vie? Tu devrais organiser un concert à Aurora, Wayne. Et comment est-ce que je fais pour faire venir les groupes? Suffit de les engager, et ils viendront. Mais je sais pas, moi, comment on monte ce genre de truc. Tu vas aller en Angleterre pour retrouver un nommé Del Preston. C'est le roadie le plus génial que j'ai connu en tournée. Il était toujours là, que ça aille bien ou mal. Lui, il est capable de t'aider. Tu n'as pas d'autres questions? Est-ce que Garth va recevoir son téléphone en forme de ballon de rugby? Le facteur s'est gouré d'adresse. Il l'aura demain matin avec le numéro spécial maillot de bain et la vidéo de la Stanley Cup 100 années de gloire. Let me dance and let your memory come around. The one true friend I thought I'd found. Tonight the bottle, let me dance. I've always had a bottle I could turn to, and lately I've been turning every day. The wine don't take effect the way it used to, and I'm hurting in an old familiar way. Ah, tonight the bottle, let me down and let your memory come around. If you want a true friend, I thought I'd found. Tonight the bottle let me down. Each night I leave the bar when it's over, not feeling an end of pain and closing time. But tonight your memory found me much too sober. I can't drink enough to keep you off my mind. Oh, tonight the bottle let me down and let your memory come around. To do one true friend I thought I'd found. Tonight the bottle let me down. Oh, tonight the bottle let me down. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Yes, I say, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. We ain't faking. Whole lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the morning. Woo, huh? Come on over, baby. Well, I got the bull by the horn. We ain't faking. Whole lot of shaking going on. Yeah, let's shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. I said, shake it, baby, shake it. Let's shake, make it shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, let's go. Thank you. I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now. Soit le palais au centre. Ah. Face à Gretzky qui tire. Oh. Gretzky va se rhabiller et se retricoter un filet. Wayne? Ouais? T'as jamais eu l'impression que Benjamin n'est pas des nôtres? Ouais, t'as raison. On dirait que Benjamin voudrait qu'on se fasse aimer tout le monde. Même Led Zepp écrivait pas des chansons universelles. Ils ont laissé ça aux Bee Gees. We'll be right back. don't give me none of that too cool for love. It just might hit you right between the eyes. Oh, I made love. Oh, I made love. Yeah. Thank you. Noé Van Der Hoff, qui a la plus grosse chaîne d'arcade vidéo de la région de Chicago. Il passe me voir, il arrive, il demande « C'est quoi ce nouveau show Wayne's World dont j'entends tellement parler ?» Voilà, j'ai votre série sur magnétoscope. Je l'ai dit, je suis fan. Je lui passe une cassette, et ni une ni deux, il a grimpé au plafond. Cool. Il a tout de suite décidé de vous sponsoriser, de vous ouvrir notre chaîne et de vous payer un salaire astronomique. Ce qu'il ne voit pas, c'est que vous êtes des artistes. L'argent ne vous intéresse pas. Non, l'argent ne nous intéresse pas. C'est ce que je lui ai dit. Il m'a répondu, allez les voir quand même, prenez deux chèques endossables avec vous, qu'ils sachent au moins que je suis sérieux. Je sais que je perds peut-être mon temps, mais me voilà avec les deux contrats et deux chèques endossables pour 5 000 $ chacun. Et qu'est-ce que vous bite? Est-ce le cul de mes oies?